Vendetta corrosive. Dans le rap, certains MC se prennent pour des messies. Amène-toi et ton équipe, ta famille, je t'humilie. C'est pour les vrais négros, les vrais Arbi. Seuls les vaillants restent debout, mais les putes à genoux. Dans le rap, fait des génocides, mange les MC à la génoise. Y'a que des épaves dans le circuit, se prennent pour des bolides. Moi j'ai des couilles et des tripes, je t'humilie, toi et ton équipe. Viens me tirer la bourre, ton style est à la bourre. Parce que les femmes sont des catins, je les prends comme elles sont. Je les mets toutes au tapin, regretter même pas j'y songe. Seul ou accompagné, je suis toujours le premier. Essaye de me contredire, je te garantis tu vas pleurer. Amateur en dynamite, je fais péter mon dynamite. Seul bras ouvert, quand je reçois une grosse mise. Puis que ce qui se ressemble, ça semble. Je ressemble à la monnaie, je veux m'en mettre plein les poches. Car il faut bien les remplir, faut du cash pour investir. J'ai rien de plus, rien de moins, donc il faut pas que tu dramatises. Cesse de parler, cesse des bêtises, jamais retourner la veste. Seul les vrais résident au test. Je demande des milliards d'investissements. C'est pour les hacks et les vrais négros qui pratiquent le ramadan. Je mets mes ennemis dans le ramassis, c'est moi le boss à présent. Les billets je vais ramasser, le succès m'attend au tournant. Seul quand il fait gris, pensant au futur. Quand je faiblis tel un guerrier, je serre ma ceinture. Je traverse le chemin de la galère, très souvent en solitaire. Rarement aidé par des frères, j'ai compris que la réussite se faisait en solitaire. Parfois dans la misère, quand je crachais des glaires, c'était en solitaire. Quand je dors avec des crampes dans le ventre, plein de soucis à revendre, tout ça en solitaire. Une équipe soudée c'est rare comme une éclipse. Comme des TM ça sneak vite. Alors à chaque armistice, je m'attends à une guerre pour éviter d'être déçu. L'union souvent liée à la trahison, ma solitude a rejeté ta confiance, car j'ai souvent pris des coups de couteau dans la France. Dans ma tête tourne le manège de la vengeance. Trouve-moi dans ta rue en train de faire un meurtre. Dans ma tête des idées crues, pas besoin d'être en meurtre pour affirmer le respect. Je suis prêt à faire un RDC, ma gueule. Sache que dans ce monde j'ai venu seul, pour repartir seul. Le luxe m'a fait du pied, j'ai attaqué sans hésiter. J'ai souvent succombé, souvent été incité. Je me suis parfois mouillé, alors j'essaye de m'intégrer. Je me mets à la page, j'ai mon buzz et je m'arrache. Soumis comme un lion en cage, certains de mes rêves furent meurtris. Des peufs ont gâché mon avenir, la France a niqué ma jeunesse. Nous a bourré de promesses, j'ai la gueule d'un métèque. Une météorite arrivée d'une autre planète. Alors je combats ces racistes, croyant être chef de la république. Tout en gardant la même devise, la guerre pour la paix. Dehors y'a rien à faire, la sécheresse d'un désert. Tel un animal je erre pour subvenir à mes besoins. Car on est tous en chien, asiatique, maghrébin ou comorien. Lutte pour des sommes dérisoires, écoute toujours la même histoire. Depuis l'époque des colons, on raquette nos territoires. Nous envoie en psychiatrie les plus passifs en prison. Faudrait que je prenne du recul, tel un homme de raison. Car sur le terrain la folie résonne. J'essaye de m'écarter comme le font les vrais hommes. M'abstenir serait la meilleure solution. Mais quand je rêve du X5 et de la villa, c'est mon ambition, n'arrête pas de s'accroître. Dans ma tête, dans le manège des millions.